Bon, merci Christian. Bon, je pense que. On entend? Oui. Bon, il y aura certainement des questions. Qui est-ce qui va se lancer le premier? Ah. Hein? Le triangle qui se trouve sur l'Ille-et-Vilaine, sur votre droite. Je voudrais savoir. Voilà, ici, oui. Broilan. Là, c'est le maquis de Broilan qui était en train, non? Alors, en train, c'est plus par là, il me semble. Hein. Bon, celui-là a été détruit justement à la suite d'interventions de militants bretons qui servaient d'agent pour les Allemands. Hein, qui l'ont. Avec l'intervention de la milice française. Parce que dans cette région-là, il y avait Lorrain, qui s'appelait, qui était un lieutenant, qui tenait le maquis d'Entrain. D'accord. Mais encore une fois, je dis, je n'ai pas obligatoirement mis tous les maquis, parce que, encore une fois, c'est un phénomène difficile à cerner. Quoi. Et les derniers, j'aurais pu vous montrer une carte des Côtes du Nord, j'avais réussi à repérer plus de 80 groupes et maquis entre juin et juillet 44. Donc, mais comme ils bougent, si vous les mettez sur une carte, le même maquis qui se déplace dans 4-5 communes différentes, vous avez l'impression qu'il y en a beaucoup. Quoi. Donc j'avais essayé de cerner les noyaux, les groupes les plus importants. Ce que je voulais vous dire. Dans le Morbihan, il n'y avait que 6 000 maquisards, à peu près 4 000 dans les côtes d'Armor. Mais je n'ai jamais su l'Ille-et-Vilaine et le Finistère. C'est pareil, les chiffres sont très très compliqués parce que vous avez des estimations de Londres qui souvent ne correspondent pas à la réalité. Vous avez sur le terrain ensuite des gens qui ont un peu grossi les choses. Si vous voulez, on n'a pas de statistiques. Et quand je dis 35 000, c'est au moment de la libération. C'est-à-dire qu'on a une montée en puissance à partir du 6 juin. Mais ce qu'on ne dit jamais, c'est qu'il y a des gens, par exemple, qui ont pu monter au maquis après le 6 juin, qui ont attendu des parachutages d'armes qui ne sont jamais arrivés, qui sont rentrés chez eux. Parce que ça ne servait à rien. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que les parachutages interviennent très tardivement. Ils interviennent essentiellement en juillet. Donc en juin, il y en a relativement peu. Parce que les Alliés attendent que la percée soit prête à se faire pour donner des armes. Parce qu'on se méfie quand même des résistants. Et on sait qu'en Bretagne, il y a pas mal de FTP. Alors on pense qu'ils sont tous communistes, ce qui n'est pas le cas. Hein. Mais c'est un petit peu la perception qu'on en a. Donc les choses sont un petit peu difficiles quoi, à cerner. Question d'écoute de radio. Moi, je me rappelle que quand j'étais jeune, j'avais 4 ans, 5 ans à l'époque. Il y avait dans la ferme, il y avait des résistants. Ils écoutaient aussi Radio Andorra. Est-ce que ça avait. Ils arrivaient à capter un Radio Andorra? Oui. Et ça m'a resté dans la. Ah, écoutez, là, qui Radio Andorra? Ah oui. Alors, je ne sais pas trop quel genre d'information il y avait, parce que comme c'est à la fois espagnol et français, et que donc c'était sous occupation, enfin, en 44, c'est sous occupation allemande, quoi. Donc, je pense que c'était un poste de propagande, je suppose. Hein. Oui, question technique. Est-ce que la question de l'unification des réseaux s'est posée en Bretagne, et de quelle façon, à partir de 43? Oui, alors, elle... Comment dire ? Officiellement, il y a eu une unification de toutes les forces armées de résistance, alors au niveau national, à partir du début de 1944. Enfin, normalement, à partir de février 1944, toutes les forces armées constituées ou devant se constituer devaient relever des FFI, les forces françaises de l'intérieur, sous commandement de Koenig, qui était à Londres. Le problème, c'est que sur le terrain, l'unification a été très incomplète. Et pour ce qui est du cas du département des Côtes du Nord, que je connais bien, je crois que c'est vrai aussi dans le Finistère, les FTP, qui étaient très organisés, très développés, les FTP ont conservé leur état-major par l'intérieur. Il y a eu et j'avais pas trop parlé de ça, mais il y a des luttes de pouvoir interne terribles au sein de la résistance. Et donc, les FTP, là où ils sont forts, essaient de prendre le contrôle des états-majors FFI. Donc, ils peuvent avoir des hommes qui sont à la fois dans l'état-major FFI, mais ils conservent parallèlement leur propre état-major, ce qui est d'ailleurs toléré. Et donc, je prends le cas des Côtes du Nord, parce qu'il y a eu des luttes de pouvoir importantes. Celui qui avait été désigné pour devenir le chef militaire du département, qui était un jeune communiste, n'a pas été accepté par les autres mouvements. Et du coup, on est allé chercher quelqu'un qui s'appelle le Egarat, qui était un instituteur plus âgé, qui appartenait au Front National, mais qui lui était socialiste. Et on est allé le chercher parce que les FTP, les communistes, s'étaient rendus compte que si on mettait un chef trop jeune, quand les alliés, etc., allaient arriver, ils n'allaient pas reconnaître cette hiérarchie-là. Et donc, ils ont mis en avant quelqu'un qui était plus âgé, plus modéré aussi, sans doute. Et c'est un instituteur, donc, au départ. Et ensuite, il a fait carrière dans l'armée, comme beaucoup, d'ailleurs, d'instituteurs de l'époque, on ne le sait pas. Mais un sorte de normaliens de l'époque, ce sont ensuite... ils ont fait carrière dans l'armée. Parfois, certains étaient communistes. Ils sont restés communistes. Alors, ils ont parfois été exclus au moment de la guerre de Chine, évidemment. Ils avaient été repérés pour cette raison-là. Mais par exemple, cas précis d'un jeune lycéen, je peux parler des jeunes, mais il y a plusieurs lycéens qui ont été arrêtés ou fusillés. Il y a un cas au lycée de Saint-Brieuc, trois jeunes lycéens, ils avaient abattu un Allemand. Et donc l'un des chefs du groupe, il s'appelle Udo, il a réussi à prendre le maquis. Il est devenu l'un des principaux chefs de la résistance armée au moment de la libération. Et ensuite, il est devenu le général Udo, il a fini sa carrière comme général dans l'armée française, si vous voulez. Donc, vous voyez, c'est compliqué. Bon, il y a eu aussi un groupe au lycée La Tour d'Auvergne, la TA, à Quimper, hein, qui a joué un rôle important, avec un certain nombre de professeurs aussi. Le censeur aussi, j'ai oublié son nom. Je voudrais le savoir, j'ai fait un article là-dessus il n'y a pas longtemps, mais j'ai oublié son nom, pour un dictionnaire des établissements publics, des lycées publics de Bretagne qui va sortir bientôt. Et on m'a demandé quelque chose sur les lycées, la résistance et les lycées. Donc j'avais repris le cas de la Tour d'Auvergne. Et il y a plusieurs... Le censeur est un des chefs de la résistance quimperoise aussi. Donc, vous voyez, de mon point de vue, l'unification, elle était incomplète. Et chacun est un peu resté sur ses propres réserves, quoi. D'où le retour à l'affrontement politique normal, légal, dans une démocratie, après la libération. Autre question. Est-ce qu'on a établi une chronologie de l'adhésion des FFL? Les FFL sont les Bretons en 40, des premières semaines. Oui. Et puis ensuite... Alors, oui, il y a une chronologie. Il y a plusieurs vagues. Muratiol, j'ai oublié de citer son nom, celui qui a fait ce travail très intéressant sur les Français libres. Il y a la première vague de 40, qui sont surtout justement des Bretons, principalement. Quelques-uns d'Afrique du Nord. Il y a ensuite les gens qui viennent de l'Empire colonial, donc AEF, etc. Puis il y a une troisième vague en 43. Là, ça peut être des gens d'Afrique du Nord, mais les forces françaises libres, il faut le savoir, ça fonctionne officiellement jusqu'au 1er juillet 43. C'est-à-dire qu'après, comme il y a la fusion des FFL et de l'armée d'Afrique, on ne peut plus s'engager. Donc c'est pour ça qu'on a un corpus assez limité. Bon, c'est à peu près 70 000 personnes, mais la plus grande partie, on ne le dit jamais, ce sont des troupes coloniales. Là aussi, on les a oubliés, ces gens-là. On pense toujours aux Français, aux bons Français, comme on disait sous Vichy, mais on oublie un peu les autres, quoi. Mais pour des raisons géographiques et techniques, la grande majorité, ils viennent de l'Empire. La perception de De Gaulle des 40, enfin, c'est l'Empire. Oui, et il avait raison là-dessus. S'il voulait avoir une marge de manœuvre vis-à-vis des Anglais, des Britanniques et de Churchill, il fallait qu'il ait une base territoriale. Sinon, il n'aurait été ce qu'il ne voulait pas être, une légion étrangère en Angleterre. Merci. Vous avez cité le nom de Jean Lejeune. Oui. Donc vous indiquiez qu'il ne souhaitait pas que certains nombres de choses sachent à la libération ou sur l'épuration. Mais bon, c'était un homme, je pense, qui était très discret, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup d'historiens qui savent que Jean Lejeune, il a été arrêté, il a été torturé, Il était condamné à mort et c'est 6 de ses jeunes camarades qui, dans l'opération Commando, l'ont libéré. Oui, je sais. Voilà. Je le connais très bien. Non, alors, je tenais à dire ça quand même pour lui. Il n'a pas été condamné à mort. Hein. Comment ? Il aurait certainement été condamné à mort. Je ne dis pas qu'il a été, mais il était bien torturé. Non, il a été blessé. Il a été arrêté par des gendarmes français à Lambélec. Ouais. Je lui ai même donné personnellement le rapport de gendarmerie qui raconte son arrestation. Donc, vous voyez, je le connais depuis très longtemps et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Pour moi, c'est effectivement un très grand résistant. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, parce que je ne pouvais pas l'expliquer, sa réaction peut aussi se comprendre par ce qui s'est passé au moment de la guerre froide. C'est que Jean Lejeune, chef communiste FTP des Côtes du Nord, donc avec le parcours qu'il a eu, blessé, arrêté, il s'est évadé, enfin ses camarades de syndicats du PLM sont venus le libérer à Lannion. Dans les années 50, il a été poursuivi en justice. Et justement, je parlais de l'épuration. Mais il faudra qu'un jour on fasse la suite. C'est que ceux qui qui avaient pratiqué ces actes au nom de la résistance, pour un certain nombre d'entre eux, et uniquement les communistes, ont été ensuite traduits en justice dans les années 50, en pleine guerre froide. Et je comprends qu'il n'avait pas du tout envie d'évoquer ça, parce qu'on le rendait responsable d'exécution, puisqu'il était le chef, mais il n'avait pas obligatoirement donné l'ordre d'aller exécuter telle ou telle personne. Et quand vous avez 243 exécutions, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure en disant, souvent c'est des maquis FTP, mais il n'y a pas que les FTP. Et moi, il y a même des cas où, à Vannes, c'est les Américains qui ont abattu 4-5 personnes, les soldats américains, GIs, qui ont abattu 4-5 personnes au moment de la libération de Vannes, et ces chiffres-là ont été comptabilisés comme des exécutions sommaires faites par la résistance. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'il faut vérifier les choses au cas par cas, quand c'est possible, parce que parfois, il y a une marge d'erreur. Non, je voulais simplement dire ça, parce que je le connais aussi très bien, et je sais que c'est un homme d'honneur. Et il vit toujours à Saint-Nicolas du Pelem, d'ailleurs. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai pris cet exemple-là, parce que je me souviens très bien de sa réaction. Je dirais qu'entre l'acteur et l'historien, on ne peut pas fonctionner de la même manière. Je veux dire que si on travaille sur ces périodes, il faut parler des aspects héroïques, et donc... Vous m'avez demandé, je n'ai pas parlé de Vichy, etc. Il faut aussi voir tous les aspects de la période, quoi. Et qu'on ne peut pas, quand on dit on va faire un film sur la libération, ne parler que de la dimension héroïque et ne pas aborder ce qui fait partie de l'histoire de la période et qui a quand même marqué les mémoires et aussi certaines familles, cette question de l'exécution sommaire. Mais il ne s'agit pas pour moi ici, j'ai bien dit, de faire un procès. Hein. D'ailleurs, quand il y a un certain nombre d'ouvrages qui mettent encore en cause ce qu'ils appellent l'épuration sommaire, moi, en tant qu'historien, je conteste ça. Parce qu'encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien se mettre dans la situation de l'époque. Quand vous avez des types, et maintenant on en a la preuve, des types qui se font passer pour des résistants, qui infiltrent les maquis et qui permettent la destruction des maquis, comme il y a plusieurs cas en Bretagne, et le livre de Christian Hamon que je viens de citer, là, Les espions allemands ou les traites allemands, c'est Schollweis, hein, si ça vous intéresse, suit certains parcours de ces individus. C'est évident que quand vous êtes dans un maquis, avec le rapport de force qu'il y a, vous avez plutôt intérêt à essayer de vous défendre et empêcher les infiltrations. Alors, dans ce genre de choses, il peut y avoir des bavures. J'ai un cas précis en tête où c'est l'idiot du village qui monte au maquis et on l'exécute parce qu'on a peur qu'il parle. C'est peut-être dommage, il aurait peut-être fallu neutraliser autrement. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a aussi un centre d'exécution sommaire, au moins au départ, sont des exécutions ciblées. C'est-à-dire que les types qui sont abattus, c'est pas, ou les quelques femmes qui sont abattues, ce n'est pas par hasard. C'est des gens dont on sait qu'ils sont des délateurs, on a la preuve, etc. Je vais vous donner un exemple que je cite toujours, pour faire comprendre à mes étudiants aussi le contexte. Et là, il faut avoir toutes les données pour le comprendre. Il s'agit d'un notable... de Plumilio, je ne donnerai pas son nom ici, qui, depuis des semaines, envoyait des lettres à la gendarmerie française. Elles sont dans les archives, les lettres, je les ai retrouvées. Dans ma commune, il y a des terroristes, c'est un tel, un tel, un tel. Et si vous ne faites rien, j'ai prévenu les Allemands. On peut penser qu'il a fait la même chose vis-à-vis des Allemands. Un grand notable, hein, mis en place par Vichy. Un beau jour du mois de juin, début juillet, je n'ai plus la date, 44, trois jeunes qui descendent, qui se pointent là. Plein midi chez lui, il était à table. Il y a un passe dans la pièce à côté, on voudrait te parler. Bling, ils l'abattent. Bon. Alors, vous prenez le fait brut, c'est horrible. Pratiquement sous les yeux de la famille. Si vous n'avez pas, et moi je l'ai su parce que j'ai vu ces archives 45 ans ou 5 ans après, et je ne suis pas concerné par l'affaire. Mais si vous n'avez qu'une partie des choses, vous voyez bien l'interprétation qu'on peut en faire. Et d'où la thèse du bain de sang en France à la Libération. Qu'une certaine presse a véhiculé, que certains historiens ont véhiculé. Prenons le cas de Robert Aron, qui a écrit la première histoire de l'épuration dans les années 50-60. il a vérifié quelques cas, et puis il a fait quelques études précises, et puis ensuite il a extrapolé, il a dit, bon, sur tant de départements, telle population, il y a tant de victimes vérifiées, il a extrapolé à toute la France. Hein, vous voyez, si vous extrapolez à partir des Côtes du Nord de 143 et que vous multipliez par 90 départements, vous allez voir le chiffre que ça va vous donner. Par contre, si vous prenez les Lévis-Vilaine, il y en a 11 et que vous multipliez par 90, vous voyez, c'est des méthodes. En plus, il avait mélangé les victimes de la résistance, enfin, les exécutions sommaires qu'on peut attribuer à la résistance, avec un certain nombre de victimes des Allemands. Alors, il était arrivé à 30 ou 40 000 morts. Voilà. C'est un ouvrage d'histoire, c'est le premier livre qui a été fait là-dessus, considéré pendant très longtemps comme la référence. Donc ce que nous, on a fait, laborieusement, est allé vérifier toutes les sources, les rapports de gendarmerie, etc. Parce que, moindre événement, il y a un rapport de gendarmerie en 4 exemplaires. Hein. Ils sont conservés. Donc c'est pareil, quand un résistant vous dit, moi, le 15 janvier 41, j'ai fait sauter la voie ferrée à tel endroit. Bon, moi, j'ai entendu ça en faisant des enquêtes de terrain. Ben, j'écoute le résistant, mais je sais très bien que c'est faux. Et puis après, ben, je vais vérifier, je vais voir ma brigade de gendarmerie du coin, et puis je vais voir, puis je m'aperçois qu'en fait, c'est 43 ou 44, quoi. Mais quelqu'un qui, de bonne foi, vous donne un témoignage, je ne vais pas lui dire, mais non, vous êtes un menteur. De quel droit je pourrais me permettre de le faire? Moi, si on me demande ce que j'ai fait le même jour, le 22 mai, il y a 10 ans, j'en sais rien. Bon. Bon, quand on fait un acte de résistance, je pense qu'on s'en souvient. Par contre, la date exacte... Mais là, vous avez quand même souvent, les archives sont conservées. Donc vous pouvez vérifier. D'où, pour ceux que ça intéresse, par exemple, pour les Côtes du Nord, la carte de l'action a été faite par Roger Huguin, qui est aujourd'hui disparu. Et il a répertorié le moindre acte de résistance. La carte est couverte. Hein, couverte. Le nombre de sabotages de voies ferrées, c'est par, je disais tout là par centaines, mais je ne grossis, pour l'ensemble de la Bretagne, je ne grossis pas l'effet. Hein. C'est considérable. Puisque j'ai le micro en main, je voudrais vous poser une question, par contre. Les femmes ont joué un grand rôle dans la résistance. Oui, oui, oui. Comment se fait-il qu'elles ne sont pas davantage mises en avant? Et dans les Côtes d'Armor en particulier, oui, il y a exactement. Eu beaucoup, beaucoup de femmes résistantes. Oui. Elles n'avaient pas forcément les armes à la main, mais elles les transportaient pour les coups de main. Voilà. Alors c'est pour ça qu'on a... Et dans le réseau de Jean Lejeune, il y avait un bon paquet, justement. Oui, oui. Bah oui. Alors, pourquoi? Parce que d'une part, ce qu'on a reconnu après la guerre... c'est la résistance militaire essentiellement, que les fameuses cartes de CVR, de combattants en terre de la résistance, qu'on n'a pas donné à tout le monde comme certains le prétendent. Hein, on a donné de mémoire, je dois avoir ça quelque part, je vais vous donner le chiffre exact, parce que je l'ai sous les yeux. En 94, c'est à peu près la dernière période où ça a été fait, il y avait eu, pour avoir la carte de CVR, 983 demandes de cartes et avaient été attribuées 260 919. Donc à peu près une sur deux demandes. Là-dessus, la résistance métropolitaine intérieure, 202 851. Extra-métropolitaine, donc France libre, 58 000. Bon, là, c'est plus facile parce que quand on passait à Londres, on signait un engagement militaire pour la durée de la guerre. Donc là, on peut savoir, même si les chiffres ont été remis en cause récemment et vérifiés. Mais la résistance intérieure, c'est beaucoup plus compliqué. Donc pour dire qu'on n'a pas donné la carte à tout le monde. Pourquoi? Parce que pour avoir cette carte de combattant en tiers de la résistance, il faut pouvoir prouver qu'on était engagé dans un mouvement, un réseau, etc., 3 mois avant la date du débarquement. Alors, il y a des milliers de gens, de jeunes, notamment, qui sont montés au maquis, qui sont engagés après. Alors, ils ont pu avoir d'autres décorations, etc., mais ils ne peuvent pas avoir cette fameuse carte-là. Et j'ai eu un étudiant ici à Brest, qui a fait un travail extraordinaire il y a 2-3 ans, il a dépouillé les 4000 dossiers de CVR du Finistère. C'est un des départements où il y en a le plus. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi? Parce que d'une part, les femmes ont fait ce qu'on appelle enfin, la résistance civile. Donc, elles ne se sont pas mises en avant. Elles n'ont pas demandé la carte. Puisqu'on a mis en avant bah, les maquisards, etc. C'était légitime. Deuxièmement, il ne faut quand même pas oublier qu'on est dans une société machiste, hein, que les femmes n'ont le droit de vote qu'en 1945. Donc, que la résistance, encore une fois, c'était le combat armé. C'était les agents de renseignement. En revanche, le réseau Alliance était dirigé par une femme, hein, Marie-Madeleine Fourcade. Pendant très longtemps, les Anglais ont ignoré que c'était une femme. Ils connaissaient que son pseudo. Mais c'est rarissime. Bon, il y a Lucie Aubrac, évidemment, et on pourrait en citer d'autres. Mais il y a quelques héroïnes et la grande masse des femmes qui ont aidé, qui faisaient le ravitaillement. C'est pour ça que nous, on travaille, enfin, avec mes collègues, là, on a essayé de renouveler cette approche, on travaille sur les rapports entre résistance et société, pour montrer justement tous ces cercles concentriques qu'il y a autour. Je suis en train de chercher un document que j'ai encore perdu, mais pour illustrer ce que je veux dire, sur la sociologie de la résistance, telle qu'on peut l'adresser avec ces fameuses cartes CVR, surtout il y a l'Ille-et-Vilaine, donc je vais pouvoir vous montrer ça, à condition que je retrouve mon tableau. C'est pas celui-là. Si j'avais le temps, j'aurais fait un PowerPoint, mais je suis désolé, j'avais plein de copies, je ne pouvais pas. Où est-ce que c'est ce truc? Je croyais que je l'avais pris, ce document. Bah, je ne l'ai peut-être pas pris. Bah, je vais vous le donner de mémoire. Non, je n'ai pas dû le prendre. Si vous voulez, il y a ce qu'on appelle la fonctionnalité de la résistance, c'est-à-dire que la résistance, à certains moments, elle a besoin de certaines professions plutôt que d'autres. Par exemple, bah, les pêcheurs bretons, je ne l'avais pas tout à l'heure, ils sont très nombreux au début, parce qu'on a besoin pour faire les liaisons maritimes avec l'Angleterre. Par contre, en 40, 41, 42, les paysans s'en foutent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça dépend où. Mais dans le centre-Bretagne ou dans le centre de la France, la résistance, les organisations n'ont pas besoin d'agriculteurs. Parce que c'est pas là que ça se passe. La résistance, elle est urbaine à ce moment-là. Sauf dans certaines zones, sauf dans les zones frontalières, on a besoin de passeurs, sauf sur une démarcation, ou pour faire passer des gens en zone sud ou dans l'autre sens, on a besoin des paysans locaux. Par contre, à partir de 1943 et en 1944 surtout, pour accueillir et héberger les réfractaires au STO dont on parlait tout à l'heure, pour ravitailler les maquis, pour avertir les maquis, etc., là, on a besoin des paysans. Mais si on regarde les cartes CVR, ils sont très peu représentés. Ce qui fait qu'en termes de profession, vous voyez que, par exemple, les agriculteurs sont très sous-représentés dans la résistance par rapport à leur poids dans la société. Par contre, vous avez des catégories sociales comme les cadres, comme les artisans et les commerçants sont surreprésentés. Pourquoi? Parce que souvent, ils ont des Ausweis, je pense aux commerçants, ils ont des autorisations de circulation. Donc, ils peuvent très bien faire du renseignement, etc. Parce que, évidemment, l'agriculteur qui va à son village au marché, il ne va pas aller voir ce qui se passe, sauf s'il est sur la côte à Plozévette ou sur le mode Atlantique, mais il ne va pas aller voir ce qui se passe, etc. On trouve aussi les employés du secteur public, et notamment les enseignants, sont très surreprésentés. Et aussi, paradoxalement, quand on prend les militaires de carrière, les policiers ou les gendarmes, qui prennent quand même leur distance à partir de 1943 en général avec Vichy, eh bien, certains d'entre eux rejoignent la résistance. Et l'armée secrète va les chercher. Parce que pour encadrer des FFI, on fait appel souvent à des officiers de carrière, de réserve ou d'active, et c'est là qu'on a besoin d'eux. Donc évidemment, comme ils sont dans l'encadrement des maquis, des combats à la fin, ils vont avoir la carte en question. Vous voyez ? Et en revanche, d'autres, et notamment les femmes, non. Pour cette statistique des CVR, la fourchette sont les départements, pour la part des femmes, c'est entre 8 et 14%. À l'Ille-et-Vilaine, de mémoire, c'est 14%. Si je retrouvais mon document, ce serait mieux, mais je ne sais pas si je l'ai pris. Parce que je ne voulais pas en prendre trop non plus, vu mon temps. Ce n'est pas celui-là. Je croyais... Ah ben oui, en plus, il est là. J'ai sous les yeux. Je vais vous le commenter parce que vous n'allez pas pouvoir le lire, ça va être trop petit. Mais on a fait des études départementales. Et justement, si vous prenez, je vais prendre les paysans. Bon, l'Ille-et-Vilaine, c'est une étude de ma collègue Jacqueline Saint-Vivier, qui est professeure à Rennes 2. Il représente 8,2% des cartes, alors qu'il faisait 52% de la population. Puisqu'évidemment, il faut mettre faire le rapport entre leur part dans la population active et leur part dans la résistance. Vous voyez, en revanche, les artisans commerçants, 16% résistants, ils représentaient que 8% de la population. Vous avez le même pourcentage dans le Pas-de-Calais, dans les Alpes-Maritimes, 17%, près de 20% dans la Nièvre. Hein, donc c'est des catégories socio-professionnelles importantes. Profession libérale, eh bien, surreprésentée nettement dans l'Aveyron, moins dans l'Ille-et-Vilaine, très surreprésentée dans le Calvados, etc. Si vous prenez les cadres, alors là on n'a pas tous les chiffres, mais ils sont quand même nombreux, hein, surreprésentés. Les employés, par exemple, en Ille-et-Vilaine, c'est 30% des résistants, ils n'étaient que 17% dans la population. Les ouvriers surreprésentés, au moins en Ille-et-Vilaine, 22% des résistants, ce n'est pas la carte, hein, j'entends. 22% des résistants, 18%, 13% de la population, etc. Donc, vous voyez qu'il y a des professions qui sont plus représentés parce que, encore une fois, c'est ce qu'on appelle la fonctionnalité, on a besoin d'eux. Et du coup, les réseaux, les mouvements, les contacts, hein, c'est eux qu'on va voir en priorité. Encore quelques questions ? Quand c'était les Anglais qui tuaient les résistants dans vos... Comment, vous les comptez comment ? Quand c'est des Anglais ? Oui. Quand les Anglais sulfataient les résistants, je vais vous prendre à Saint-Armel, il y a un convoi de FFI, ils vont se faire sulfater par les Anglais, il y a eu 8 morts, quelques blessés et même des civils. Voilà, ils font partie des victimes Mais c'est séparé ou... À ma connaissance, non. Vous avez le même problème à Telgruc. Lorsque les Américains, au moment du siège de la Presqu'île, bombardent par erreur des positions de résistants, ils font partie des morts au combat FFI, quoi. Mais oui, oui, il y a eu évidemment, et j'ai pas du tout parlé des bombardements aussi, qui sont quand même assez terribles. Hein. Ça fait partie de ces périodes de la guerre qui font quand même beaucoup, beaucoup de victimes, quoi. Moi, je trouve qu'on parle souvent d'épuration après la guerre, mais on parle beaucoup moins des gens qui n'étaient pas bien propres pendant la guerre et qui ont occupé des postes importants. Bien sûr. Et mis en place par qui ? Par ceux qui montrent du doigt les épurations sommaires qu'il y a eu après la guerre. Non, mais tout à fait. Et là, il y aurait aussi un gros travail d'historien à faire pour voir qui nous a dirigés et qui en a mis en place après. Bah, il a été fait en grande partie. Hein, Oui, mais on n'en parle pas beaucoup. Il a peut-être été fait, mais c'est pas trop mis sur la place publique. Si vous voulez, quand on prend les élus de 45-46, quand on prend toutes les listes, quel que soit les partis, la quasi-totalité des candidats, moi j'ai travaillé beaucoup là-dessus, sont quasiment tous des résistants incontestables. Bon, après ça s'estompe. Après il y a le retour des vichysois, des pétinistes, mais ça, bon, là ça relève de l'histoire politique de la France. Écoutez, si ça vous intéresse, dans mon dernier livre sur l'histoire des forces politiques en Bretagne, il y a 2 chapitres sur cette période. Il y a un chapitre sur le comportement pendant la guerre, justement, des uns et des autres, dans tous les camps. Et j'ai un chapitre justement sur les nouveaux rapports de force politique à la libération, où j'examine tout ça d'assez près. On peut quand même constater qu'il y a un renouvellement massif de tous les élus, tous les niveaux à la libération. Moi, j'ai beaucoup fait travailler dans le ministère là-dessus, au niveau communal, etc. Je peux vous donner un chiffre de mémoire, hein, je ne l'avais pas préparé, mais si vous prenez l'arrondissement de Quimper, en 45. De mémoire, hein, je peux me tromper à quelques pourcentages près, mais c'est à peu près 60% des maires qui sont nouveaux, qui sont élus en 45. Donc il y a un vrai renouvellement du personnel politique, et à tous les niveaux, c'est vrai. Alors qu'ensuite, il y a des retours de carrière, il y a une poussée à gauche aussi, en 45, au cantonal, par exemple, que dès 49, à cause de la guerre froide et à cause de la division entre les socialistes et les communistes, et même la guerre ouverte entre eux, ils perdent énormément de sièges. Et du coup, des gens de droite reviennent en place, et souvent sous la houlette du RPF gaulliste. Parce que quand on travaille sur le RPF, et là je pourrais vous en parler dans le Finistère, j'avais un très bon travail là-dessus aussi, quand on voit qui sont les gens du RPF, du Parti gaulliste, dans les années 47-52 dans le Finistère, vous voyez que toute la droite qui a été effectivement pétiniste, maréchaliste pour le moins, etc., adhère au RPF. Et ça ne gêne pas le général de Gaulle, même si on met en avant des authentiques résistants, de récupérer toute la droite dure. Hein. Et là, on est dans un autre contexte politique. Mais rassurez-vous, les historiens ont fait le travail là-dessus. Hein. Et en particulier, je travaille moi en Bretagne, j'ai pas mal travaillé là-dessus et je compte continuer à le faire. Bon, on va peut-être remercier Christian pour cette soirée. Voilà. Donc, si certains veulent continuer l'étude, Christian a amené un certain nombre de livres. Donc, sont à votre disposition, avec une petite signature, bien sûr, une dédicace. Et puis, si vous voulez être tenu au courant de nos prochaines causeries, où est-ce que tu l'as mis, Gaël ? Voilà. Donc, sur le bureau, là, vous pouvez mettre voilà, vos coordonnées, comme ça, on vous enverra des invitations. Merci beaucoup.